Sur les bords de l'abstrait, mon âme devient moins belle. Trop abstrait pour en le non-sens tournoie. Chantez impatiente, danse autour de moi. Sors de mon sommeil, le non-sens me hante. Me fait franchir des pentes entre la pluie et le soleil. Rien ne m'émerveille, le sens c'est le non-sens. Chantez impatiente, danse autour de moi. Sors de mon sommeil, le non-sens me hante. Me fait franchir des pentes entre la pluie et le soleil. Le sens c'est le non-sens.